t'es pas. Hey, salut, c'est l'heure de I Hate Music, l'émission punk 100% DIY. Et on revient après un long moment, long time not seen, avec une playlist de malades. Et on commence direct dans le vif avec Yankee Bastard, excellent groupe qui nous vient de Richmond, la capitale des États-Unis du hardcore. Ça fait un son bien 80s avec un punch et un côté un petit peu youth. Ils ont sorti un 7-inch Theron Gun, c'est sorti cette année sur le label Sex Friend Abomination Records. On va s'écouter deux titres super cool, Scorch Earth et Madness Yankee Bastard. Ensuite, c'est le grand retour de Pura Mania, l'excellent groupe de Vancouver et de Mexico, avec le chanteur qui venait du Mexique et puis qui s'est fait déporter il y a quelques années du Canada où il habitait et où il a fondé le groupe. Il est retourné au Mexique, il fait plein de trucs cool. Et ils n'ont pas arrêté le groupe pour autant. Ils nous reviennent avec un 7, le dernier était sorti en 2024. Celui-ci est excellent, tout à l'image du groupe. Ça s'appelle La Banda Es La Ley, c'est sorti sur Surrey State Records. Et voilà, c'est bien à l'image de ce qu'ils font d'habitude. On change pas la recette qui gagne. On va s'écouter deux titres super cool, Operation Horror et Planeta Gotico. Pura Mania. Ensuite, on continue au Mexique, Mexico, avec Soga, excellent groupe, qui sera en tournée en Europe au mois de juin. Donc voilà, ça me permettra de faire une petite annonce concert. Ils nous avaient sorti un Corrosion en 2025, c'était sorti sur Iron Lines Records. Et voilà, on va s'écouter des titres, Mi Cadaver y Possession. Comme je disais, le groupe sera en tournée, vous pourrez les voir à Rennes le 3 juin ou bien à Nantes le 4 juin. J'aurai le plaisir d'organiser cette date ainsi que le vernissage de l'expo de Marika Mila. C'est une artiste colombienne qui habite à Barcelone et qui fait des illustrations punk hyper cool. Je vous invite à trouver son profil et à aller voir son travail et à la soutenir surtout parce que c'est vraiment cool. Donc voilà. Tout ça pour accompagner Soga pour ce concert vraiment cool. Ce sera à la Lune Froide à Nantes. On commence à boire avec Yankee Bastard, Scorch Earth et Madness. Let's go! We'll be right back. yes, yes, c'était trop bien. On va t'écouter les excellentes Soga, Mi Cadaver, Possession. Je vous rappelle que passeront le 4 juin à Nantes, donc on sera à la Lune Froide. Venez les soutenir. Juste avant, on s'écoutait Pura Mania avec Operation Horror et Planeta Gothico. Et encore avant, on s'écoutait Yankee Bastards, Scorch Earth et Madness. On continue avec des titres toujours en espagnol et passe. Excellent groupe avec des immigrés dedans qui habitent à Berlin en Allemagne. Voilà, ils se sont réunis pour nous faire un groupe super cool et ils nous sortent tout juste une démo. C'est sorti en autoprod il y a à peine un mois. Pour les gens, si vous voulez avoir des refs, il y a le batteur de Industry qui joue dedans et plein de gens cool. On va s'écouter un titre excellent, Ley del Tropico. Passe. Ensuite, on continue, et toujours en espagnol, avec l'excellent groupe Bloque, groupe de Barcelone avec des gens qui ont fait plein de trucs pour le hardcore et tout ce qui était Youth et Strategy. Barna, c'est pas la ville la plus stratégique du monde, mais il y a toujours eu ce petit foyer de gens bien politisés et bien hardcore. Bloque donc nous sort un LP Same Title, c'est sorti cette année sur Refuse Records, l'excellent label hardcore. On va s'écouter trois titres, une petite intro hardcore qui va bien. Forte y firme et Cruzas la Linea. Et ensuite un nouveau titre de Faucheuse avec leur nouveau LP comme un poignard, ça vient de sortir sur le label Symphony of Destruction, le meilleur label du monde de Bretagne. Voilà, Faucheuse toujours à l'image du groupe, c'est toujours vraiment excellent, le groupe de Bordeaux. On va s'écouter le titre qui va avec le nom du LP comme un poignard, Faucheuse. On commence d'abord avec un titre de Paz, Ley del Tropico. Y vámonos. Yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz. c'est trop bien, comme d'habitude, faucheuse comme un poignard. Juste avant, on s'est écouté trois titres de Bloque. L'intro, Fuerte y Firme, et Cruzas la Linea. Encore avant, on s'est écouté un titre de Passe, avec L'œil del Tropico. Et on continue cette piste musicale avec du vieux et du bien old school. On commence d'abord du côté de la Pologne, avec Okres. Okres, c'est un des groupes cultes de l'époque des années 80 en Pologne. Voilà, un des groupes qui ont participé au Jarocin Festival, le grand festival punk qui avait eu en 1985 et qui a marqué toutes les générations de punk jusqu'à aujourd'hui. Les groupes qui sont passés sont toujours restés dans les groupes cultes du punk polonais, et ils le méritent vraiment bien parce que ça défonçait tout, surtout dans une période où c'était encore le communisme et où du coup être punk c'était vraiment une émancipation et de revendication. On va s'écouter deux titres qui sont tirés de la démo 1985 et de Festival Jarocin 1985. 85, c'est sorti l'année dernière sur le label Warsaw Pact. Wojna Światów et Zborenia Okres. Ensuite, on va du côté du Pays Basque avec Eskorbuto. On ne présente plus ces héros punk qui sont cultes pour toute la péninsule ibérique et dans tous les pays où ça parle espagnol. Ils nous avaient sorti le LP Antito en 1985. C'était sorti sur Disco Suicidas. Titolo, c'est le troisième LP. Le groupe s'est formé en 1985. On va s'écouter l'excellent titre Ha llegado el momento. Ensuite, on va continuer du côté de Ljubljana en Slovénie avec le groupe UBR. Uber, ça voulait dire Uporniki Brez Rasloga. Excellent groupe qui avait sorti un EP Corpus Delicti en 1984 sur Attack Punk Records. Pareil, un des groupes qui a marqué toute la Yougoslavie, je dis la Yougoslavie puisque la Slovénie faisait partie de la Yougoslavie à l'époque. Et donc Uber, c'est un des groupes cultes pour les punks de tous les pays des Balkans. C'est vraiment excellent, vous allez comprendre pourquoi, c'est du pur hardcore. Uber. On va s'écouter deux titres, UBR et Corpus Delicti. On commence d'abord avec Okres, Wojna Światów i Zborenia. Dawaj, dawaj. Od zakończenia II wojny światowej na świecie nie było ani jednego dnia pokoju. Raz, dwa, trzy, cztery! Mamy trud, to wygląda się w każdym razie, od nieznanych przyczynów. Wojna tu, wojna tu, wojna, wojna tu. Wojna tu, wojna tu, wojna, wojna tu. Zatrzu ciała bolały. Obywatele społeczeństwo, nowy zbierać się narodził, jest to nigdy bezpieczeństwo. Wojna tu, wojna tu, wojna, wojna tu. Wojna tu, wojna tu, wojna, wojna Co ci zapalają tak? Écoutez UBR avec deux titres, UBR et Corpus Delicti. Juste avant, on s'écoutait Escorbuto, Ha llegado el momento. Encore avant, on s'écoutait Okres, Voina, Shuatuf, Zborenia. Et on continue cette playlist. On arrive à la partie post-punk de l'émission avec des groupes bien dark et bien wave. On commence d'abord avec Altar of Eden, excellent groupe qui nous a déjà sorti un premier jet. Ils reviennent avec The Grotto Scream, number 2. Ça vient juste de sortir, c'est bien dark, ça nous vient d'Austin. C'est pas la ville la plus réputée pour le dark punk, mais voilà, ils font bien le job et c'est vraiment cool. J'en avais déjà passé dans l'émission et j'en repasse vraiment avec plaisir parce que c'est trop bien. On va s'écouter le titre Days and Night, Altar of Eden. Ensuite, on continue avec une petite tuerie que j'ai mis de côté depuis un moment, puisque c'est sorti l'année dernière. En tout cas, c'est une sacrée perle, Schimmel Uber Berlin, c'est vraiment hyper cool. Ils nous ont sorti un LP, Ice and Moons, c'est sorti sur Static Age Records, donc sorti l'année dernière. Et on va s'écouter ce titre. C'est Singalong assuré et vraiment un titre moi qui m'a fait vibrer, je me l'écoute en boucle depuis un petit moment. Schattenriss de Schimmel Uber Berlin. Ensuite, on continue avec cette chouette Laura Crick, excellente artiste qui nous est revenue l'année dernière avec un crépuscule LP. C'est sorti comme d'habitude sur le label Detriti Records. Super LP, toujours à l'image de ce qu'elle fait depuis le début avec ses machines et ses chansons bien décalées. Et le titre qu'on va s'écouter s'appelle Corps brillant, Laura Crick. On commence d'abord avec Altar of Eden, Days and Nights. Let's go! We'll be right back. Yes, on vient de s'écouter l'excellente et prolifique Laura Crick avec le titre Corps brillant. Juste avant, on s'est écouté les brillants Schimmel Uber Berlin avec Schattenriss. Encore avant, on s'est écouté Altar of Eden, Days and Nights. Voilà, on va finir cette playlist avec Honey Bane, Turn Me On, Turn Me Off. Titre qui était tiré du Seven, du même nom, qui était sorti en 1981 sur Sonophone. Honey Bane nous venait d'Angleterre, c'était la plus jeune des recrues de Crass Records. Elle a dû commencer à 14 ou 15 ans à sortir ses premiers titres, voilà, après avoir insisté pour faire de la musique auprès des gens du groupe et du label. Honey Bane, Turn Me On, Turn Me Off. On continuera ensuite du côté de Berlin avec Malaria, un des groupes cultes de l'époque. C'était un titre inédit qui était sorti sur le split entre Malaria et Die Hausfrauen qui nous venait de New York. Le LP qui en est tiré s'appelle New York Berlin LP. Il était sorti en 1985 sur Cashel Records et Psycho Records. On va s'écouter le titre. Sarah, Malaria. Et on terminera avec plein de joie, ce titre tellement mignon, The Orchestral Maneuver in the Dark, OMD, le titre Electricity que vous connaissez sûrement, qui est tiré du LP Same Title en 1980 sur Dim Disc. Le groupe nous venait d'Angleterre, OMD, Electricity. Et on termine cette playlist. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, cheers! Just a plastic fissure, the plastic function of my television.